criminel. Le son sonne criminel. Criminel, crime, crime, crime, criminel. Le son sonne criminel. Encaisse le flot sur la caisse. Clair, je préfère être clair, je noir et fier comme le fils de mon père. Je m'élimine pour le pif, mes frères s'éliminent. Plus son meurtrier, et la rue a pris mauvaise mine. Dans nos têtes, c'est speed, on se fait peur à nous-mêmes. Car pour le cash, on est mieux servi que par soi-même. Même si on sait où ça ramène, on fera quand même ce qu'on a à faire, frère, c'est notre côté d'Aomen. Je mène ma barque, ceux qui m'aiment en parc. Dawa au mic, 9394, cartel, ça c'est la marque. Malheureusement ou heureusement, hey, tout s'achète. Parano sushi, la main sur la machette. Le malheur des uns fera le bonheur des autres. Dans la course au bifton, compte que sur les noms. Sur les noms. Dans la course au bifton. Criminel, crimi, crimi, crimi, criminel. Le son sonne criminel. Criminel, crimi, crimi, crimi, criminel. Le son sonne criminel. Criminel, crimi, crimi, crimi, criminel. Le son sonne criminel. Criminel, crimi, crimi, crimi, criminel. Le son sonne criminel.